la pause interview sur Radio Côte Basque avec la rubrique spéciale Esprit vivant. Et nous accueillons aujourd'hui Emmanuel Lucante au micro de Bruno Fleury. Bonjour Alain, bonjour Emmanuel. Aujourd'hui, Emmanuel, nous allons parler d'un bus. Un bus qui transporte pas seulement des personnes, mais des histoires. Un bus qui ne suit pas une ligne, mais qui crée du lien. Bienvenue dans Esprit vivant, Emmanuel. Aujourd'hui, nous allons parler monter à bord du Bussito. Ce Bussito, parce que tu es fondateur et président de l'association El Carlana Lagunac. Et on est très impatients que tu nous développes ce projet du Bussito qui a l'air complètement incroyable et passionnant. Emmanuel, est-ce que en quelques mots, tu peux nous expliquer qui tu es, d'où tu viens, quelques mots sur l'association, et puis après on passe sur le Bussito parce que c'est un peu la nouveauté de l'asso. Bon, merci, bonjour Alain, bonjour Bruno. Donc moi je suis Emmanuel Lucante, président de cette association El Carlana Lagunac. Je suis éducateur spécialisé de formation et de métier, et je suis maintenant coordinateur de parcours de santé complexe. L'idée du Bussito et de l'association en général, c'est de faire des liens et de l'inclusion avec des personnes qui ont des troubles psychiques et qui sont en situation de fragilité psychique. Oui. On essaye d'être dans l'innovation sociale en essayant de penser les choses comme des tiers-lieux et de se dire que la mixité sociale peut-être une forme de rétablissement pour ces gens qui sont souvent isolés et qui souffrent de cet isolement bien souvent. Ouais, l'association a une sensibilité à l'humain qui est vraiment importante, c'est le cœur de l'asso. Hein. C'est le cœur de l'association, c'est l'inclusion des personnes fragiles, hein. on est vraiment, c'est l'objet de l'association. Donc on réfléchit à des structures d'inclusion innovantes dans notre société, et on a depuis 2023 ouvert le Café Cito, le café associatif 19 rue des Basques à Bayonne, donc avec bien évidemment la concertation et la coordination de tous les acteurs qui peuvent faire évoluer le projet, donc que ce soit des élus, les élus bayonnais, les élus de l'agglo, les élus du département. L'hôpital et également. L'hôpital avec qui on est en convention sur des services comme le pôle psychiatrie gériatrie adulte, comme le service EMOA, équipe mobile de psychiatrie. Oui. Et puis après avec des associations locales comme Aterbea, les gens qui travaillent avec les gens qui sont en situation de précarité, ou encore Don Bosco qui travaille avec les jeunes migrants. Tout à fait. Ou avec la fondation John Bost, une convention qu'on a encore plus particulière avec eux, puisque je suis ancien salarié de là-bas, et du coup qui nous aide pas que dans le partenariat de terrain, mais aussi financièrement et autres. Donc voilà. Et un jour, ce projet un peu fou, quoi. Oui. Ce projet un peu fou, un bus. Ouais. Mais c'est quoi l'idée derrière, quoi ? Mais en fait, déjà l'idée un peu folle était le Café Cito, de monter un café associatif à Bayonne. C'était déjà une première folie et qui a fonctionné, et on est un peu victime de cet engouement-là où on a beaucoup, beaucoup de demandes et où il faut trier. Mais du coup, on a encore réfléchi à le conseil d'administration de notre association. On s'est dit, mais si on faisait de l'aller vers, parce que l'isolement, ce qui est compliqué, c'est que les gens, il faut qu'ils fassent la démarche de venir au café. Bien sûr. Et là, c'était plus la démarche d'aller vers, comme on dit dans les métiers du social et médico-social. Oui. Il faut aller vers la personne pour faire émerger le besoin, en fait. Complètement. Voilà. Et donc, l'idée du Bussito, elle vient d'une étude qui a été faite par le département, le conseil départemental, sur le fait de faire un état des lieux de l'isolement sur notre territoire. Et nous, on a pris part à cette étude-là, où on a été un lieu un peu ressource, où on travaillait des personnes fragiles, donc ils sont venus interviewer des gens qui souffraient d'isolement au sein du Café Cito. Et suite à cette étude, il y a eu une participation citoyenne où ils ont demandé aux citoyens qu'est-ce que vous feriez pour combattre le fléau de l'isolement. Et il y a eu des jardins partagés, des cuisines partagées, de l'aide au domicile des personnes âgées, des choses comme ça. Et il y avait un café mobile. Et donc, nous, on a postulé à cet ami, appel à manifestation d'intérêt, et on a été lauréat. Et donc, on a eu la subvention maximale de ça. On a eu 56 000 euros pour faire l'achat d'un... Alors, on dit Bussito, c'est un bus, mais c'est un camion 9 places qui tire un coffee truck, une petite caravane où on sert les cafés. C'est super chouette. Et donc, voilà d'où vient... Alors, Le travail était sur l'isolement. Nous, on est experts en santé mentale, notre association. Oui, évidemment. On a mis en corrélation l'isolement et la santé mentale, et c'est comme ça qu'on a pu. Finalement, c'est un concept assez simple, mais terriblement puissant, quoi, d'aller à la rencontre des gens. C'est une si belle idée, quoi, pour les gens de l'intérieur et qui n'ont pas la possibilité. Quelquefois, on s'aperçoit que des gens qui n'ont pas la facilité aussi de se déplacer, venir jusqu'à nous, jusqu'à Bayonne, c'est pas tout à fait facile. Mais ça va au-delà d'un concept. C'est vraiment magique. Mais qu'est-ce que vous proposez au juste en plus d'un café là? Dans le bus, il y a qui? Voilà, c'est ça. C'est que nous, on s'est appuyé sur nos savoir-faire du café Cito et sur ce qu'on a l'habitude là depuis 2023 de faire. C'est de faire le petit frère du café Cito en faisant le bus Cito. C'est-à-dire qu'on s'est donné trois missions pour le Bucito, c'est-à-dire c'est briser l'isolement pour provoquer la rencontre, vraiment ce qu'on vient de dire, ou ben déjà, de manière conviviale, on puisse venir boire un café, voilà. Alors on a aussi facilité les choses, où effectivement, le Cafécito ou le Bucito, on a les cafés suspendus, où quelqu'un peut payer un café supplémentaire pour des gens qui n'ont pas les moyens, voilà, ça marche énormément au Cafécito, on espère que ça marchera au Bucito. On a aussi, par exemple, avec Emoa Psy, vendu des jetons à Emoa directement, et tous les gens qui n'ont pas les moyens de manipuler de l'argent, eh bien, ils peuvent venir payer avec des jetons. On essaye de trouver des façons voilà, pour faciliter la venue de ces personnes fragiles au sein de nos structure. Ça, c'était la première mission. Et la deuxième mission, c'est aussi de trouver des outils de médiation pour intéresser les gens. Alors, on est beaucoup dans l'art, dans la culture. On est beaucoup, on fait des ateliers théâtre, des ateliers écriture, un atelier crochet. Oui. On essaye d'être très dynamique. Pour le Café Cito, on a un réseau très étendu ici et très important. L'objectif du Bucito, ça va être de développer ce réseau dans les zones où on va intervenir pour pouvoir aussi avoir et profiter des ressources du territoire, parce que nous, on vient avec un concept, mais l'objectif, c'est que le concept il s'adapte aussi au territoire et à ce qu'il y a sur le territoire. On ne veut pas être en plus de quelque chose, mais vraiment être complémentaire dans ce que propose le territoire. Ça veut dire que à l'intérieur du Bucito et autour, les animateurs qui partent avec le bus ont aussi la ressource de pouvoir animer, bien sûr, mais conseiller les gens en cas de difficulté, que ce soit des difficultés sociales, physiques, mentales ou bien d'autres choses. Oui, tout à fait. Et ça, c'est chouette. Je trouve que c'est une orientation qui est complètement incroyable et complètement différente, parce que il y a certaines mairies à l'intérieur où dans les terres où il n'y a pas, ça n'existe pas, c'est pas toujours facile. Ou alors il y a une permanence, une demi-matinée par semaine, de temps en temps ou par mois. Et là, on va vraiment chercher ces gens en souffrance. Et bien sûr. C'est un truc de fou. Oui. Et dans vos coordinateurs, il y a des soignants. Alors c'est le poste du travailleur médico-social, on l'appelle pour l'instant. On est sur le recrutement là actuellement. Le projet Bucito démarre en juin, donc le recrutement ne va pas tarder. Ça avance, il y a plein de CV Il y a plein de CV, on a plus de 40 CV, donc effectivement c'est des choix à faire fois difficiles, mais voilà, on va commencer les entretiens d'embauche, où c'est ouvert à la partie médicale, à infirmiers, infirmières, mais aussi sociale bien évidemment, avec éducateurs, CESF, assistants sociaux, voilà. On a eu des CV assez fleuri et on essaye de faire nos choix. L'objectif aussi, c'est que ces gens fragiles, on soit en lien avec les structures du territoire, donc les établissements médico-sociaux, donc ça peut être des maisons de retraite, ça peut être des établissements qui accueillent les personnes en situation de handicap ou de précarité, avec les SDSEI et les pôles solidarité du département ou les CCS des mairies, et qu'eux, ils puissent nous orienter ces personnes-là. Et le but vraiment, comme je disais, c'est ce travail de réseau et de partenariat qui est très important, de maillage comme on dit, d'aller vers ces gens-là qui puissent nous orienter des gens, et aussi nous, quand on trouve des personnes isolées, de pouvoir également orienter vers les dispositifs qui existent, parce que c'est ça l'objectif, c'est de créer du lien pour tout le monde et de créer ces passerelles-là. Donc voilà. Et juste, je reviens, comme j'ai dit les deux missions, je dis la troisième mission, et elle est aussi importante, c'est de faire de la prévention en santé mentale, et ça, Bruno, tu le connais. Oui, c'est que, nous, on a eu des subventions de l'ARS pour ça, pour le volet préventif, et ça nous tient très à cœur de pouvoir déstigmatiser aussi toutes les a priori qu'on peut avoir autour de la santé mentale, et notamment de la psychiatrie encore plus, ou qu'est-ce que c'est que la schizophrénie, la bipolarité, après, qu'est-ce que c'est que l'autisme, la dépression, dépression sévère, chronique. Voilà. On fait beaucoup d'expositions, on fait des conférences, on fait des dédicaces de livres à plusieurs reprises. Ça, on le fait au Café Citeaux. On veut aussi réitérer tout ça au sein du Bucitaux. Mais on trouve que c'est important parce que à chaque fois, moi j'ai travaillé longtemps en psychiatrie, quand je disais à des personnes que je travaillais avec des personnes schizophrènes, des fois ils me regardaient avec des yeux. Mais... Oui, ça fait presque peur. Ça fait presque peur parce que souvent ça passe dans des faits divers et on a vraiment une mauvaise image de tout ça. Ouais, donc, ou des feuilletons à la télé quelquefois. Exactement. Vraiment réaliste. Et voilà. Ça veut dire que les personnes qui, de l'association, certains sont formés en premier secours en santé mentale. Oui. Alors, bien évidemment, hein, on a fait des liens avec Rénovation, qui est l'association qui délivre ce diplôme. Et donc, effectivement, on a pu former des bénévoles et des gens qui travaillent autour du Café Cito. Parce qu'il faut, ce qu'il faut savoir aussi, que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'on a des équipes de bénévoles aussi très solidaires. Au Café Cito, on a Camille qui est salariée à temps plein, éducatrice spécialisée, et toute une équipe de bénévoles, une quinzaine de personnes qui se relaient, qui sont là pour la logistique, le lien, créer l'ambiance. Voilà, c'est aussi tout ça, hein, il faut que ça soit tout ça. On souhaite le refaire à Le Bucitaux. Mais effectivement, nous, ce qu'on se doit, c'est aussi, ben, en retour, d'essayer de les former. Et ça, c'est l'une des formations quand même phares et qui est très intéressante. Oui, parce que c'est vrai qu'effectivement, comme on l'évoquait, en santé mentale, ou les gens qui sont en difficulté par rapport à la santé mentale, souvent ont du mal à venir demander de l'aide. Et c'est souvent à nous de tendre la première main, et les premières paroles quelquefois sont essentielles, hein. C'est ce qu'on apprend aussi en santé mentale, hein. C'est le premier geste va peut-être donner reconfiance en la personne, et puis on pourra peut-être établir un contact et commencer un accompagnement, et puis après l'orienter sur des professionnels de santé qui ont peut-être plus l'habitude que nous. Exactement. En fait, l'objectif de l'Aller Vers, il est là. Il est de comment on peut trouver les clés pour faire du lien avec une personne isolée ou esselée, et comment petit à petit on peut arriver à ce que la confiance se crée dans la relation, et comment on peut viser un épanouissement, hein, pour cette personne, qu'on voit qu'elle souffre de solitude et due à peut-être une multitude de paramètres, quels qu'ils soient, mais en tout cas pouvoir refaire ces liens. Alors on a, et heureusement, beaucoup d'exemples très positifs au Café Cito, et c'est ça, moi, qui me motive, et voilà, hein, parce qu'on est tous bénévoles, bon, mis à part Camille là sur Café Cito, mais on est tous bénévoles, on donne notre temps, on donne, voilà, et on est un peu gratifié comme ça. Toi, t'as un métier à côté, forcément. Exactement, je suis coordinateur de parcours de santé complexe. Oui. Donc voilà, pour effectivement, t'es dans voilà, je suis dans la santé. La bonne mouvance. De formation, exactement, exactement. Ouais, donc il y a pas mal de patients que je suis, que j'amène au Café Cito. Bien sûr, je te doute. Ouais. Dans nos auditeurs là, ceux qui nous écoutent là aujourd'hui, si quelqu'un se sent seul, ou si quelqu'un a envie de venir apporter son aide, tu lui dirais quoi, où vous contacter? Mais c'est alors, s'il est sur le BAB, bien sûr, de venir au Café Cito, 19 rue des Basques à Bayonne, et qui sera le bienvenu. Déjà, partager un café, voilà, mesurer l'atmosphère qu'il y a au Café Cito, et quand même cet esprit de bienveillance qu'il y a entre tous les participants, parce que nous, l'objectif, c'est pas de voir un côté patient et un côté aidant, en fait. Nous, il n'y a pas de barrière. C'est les gens, ils viennent, ils sont tous clients, et nous, peu importe leur profil, nous, il sera respecté de la même manière. Mmh. Donc du coup, c'est cette transversalité, excusez-moi, qui est quand même, voilà, omniprésente dans nos structures, et voilà, plus sur l'intérieur du Pays Basque, donc le Bucitaux qui va venir sillonner donc le Pays Basque, donc sur quatre zones on a déterminé: une zone Garraci-Baïgorri, une zone plutôt Asparin, une zone Saint-Palais, et plus tard on intégrera la zone Mauléon, qui est un peu plus loin en termes de distance. Donc aussi, on a, dans les trois ans du projet Bucitaux, sur le milieu du projet, essayer d'aller un peu plus dans le Pays Basque intérieur, encore un peu plus intérieur. Voilà. Donc c'est créer ce maillage, se trouver une place dans ce qui existe, dans les ressources existantes sur le territoire, qui ne sont pas les mêmes à Garraci, qui ne sont pas les mêmes à Asparin, pas les mêmes à Saint-Palais, pas les mêmes à Mauléon. Donc c'est pour ça que ça prend du temps aussi. Mais on y croit, et je pense qu'on peut faire du bon boulot. Enfin, en tout cas, je l'espère. Quelle magnifique initiative. Vraiment, c'est incroyable. Nous, à Radio Côte Basque, on est très impatients si vous nous invitez. Oui, ah ben, avec grand plaisir. Venir passer une journée à bord du Bussito et d'aller à la rencontre justement de ces personnes et d'aller voir un petit peu comment ça se passe sur le terrain. Exactement. Dans l'intérieur. La Côte Basque, c'est une grande région, hein. Et ce serait chouette qu'on ait un échange autour de ça pour voir un petit peu et puis pour que nos auditeurs aussi puissent suivre l'actualité, suivre le Bussito et voir ce qui s'y passe. Je trouve que ce serait assez chouette. Mais vraiment avec grand plaisir. Ben écoute, je pense qu'on va pouvoir échanger autour de ça et puis se caler dès que ça va être mis en place une date. En tout cas, j'ai envie de te dire, Emmanuel, dans le monde où tout va vite, il y a des projets qui prennent le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps de rencontrer. Le Bussito n'est pas juste un bus, c'est un lien. Un lien qui circule. Emmanuel, merci beaucoup. Merci de ta présence. Merci de m'avoir accueilli. Et à très bientôt sur la route. Vraiment avec vous. Autour d'un café. Avec plaisir. Et en attendant, on peut te retrouver sur Insta, sur un site internet. Sur Facebook, sur le site El Cardana Lagunac ou sur l'adresse du Café Cito. On va créer un Facebook sur le Bussito aussi pour peut-être les gens intérieurs. On a un site internet aussi. Instagram, on n'est pas encore à la pointe des réseaux sociaux, mais on va le mettre en place. Ça va pas tarder. Je ne suis pas très doué là-dessus, mais ça va. On espère le mettre en place. Voilà. Et vous pouvez surtout nous rejoindre aussi sur les structures autour d'un café. Et avec grand plaisir. Minechker, Emmanuel. Daouchetas.